grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Apprends à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. C'est vrai que tu as été déçu ces derniers temps. C'est vrai que ce qu'on t'a fait est mauvais. Mais mon frère, ma sœur, si tu apprends à pardonner, le Seigneur va ouvrir des portes. Est-ce que tu comprends? L'ennemi profite beaucoup des problèmes, de l'amertume que tu gardes dans ton cœur depuis. C'est pourquoi tu commences à avoir des problèmes, des douleurs gastriques. Tu commences à souffrir de beaucoup de maladies. Demande la grâce de Dieu pour qu'il te accorde la capacité de pardonner comme Jésus a pardonné. Et tu seras victorieux sur beaucoup de problèmes. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 3, versets 1 à 12. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Marc 3, 1 à 12. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est qu'il y a des exemples que nous ne devons pas suivre. C'est l'exemple des pharisiens, de ces juifs qui étaient légalistes, ces juifs qui étaient méchants. Aujourd'hui, parfois, dans nos milieux chrétiens, il y a des gens qui ressemblent aux pharisiens. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Il y a trois choses que nous ne devons pas suivre ici. D'abord, ils observaient Jésus dans le but de l'accuser. Donc, eux, quand ils étaient dans la synagogue, ils observaient tout ce que Jésus faisait, disait. Ils ne venaient pas pour glorifier le Seigneur, pour adorer Dieu. Mais ils étaient là comme des détectives privés. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Si ton travail est de commencer à surveiller les gens, à vérifier pour chercher les accusés, à dire voici celui-ci a fait ça, pour aller dire au pasteur, parce que tu cherches qu'on te nomme à un poste élevé, tu n'as rien compris mon ami. Ce n'est pas ça le travail d'un serviteur de Dieu, d'un disciple de Jésus. Nous ne sommes pas des détectives privés pour être comme des agents de renseignement. Non! Pour observer ce que les gens font, ce que les serviteurs font pour voir s'il a commis, là où il a fait une erreur, là où il a mal parlé, pour ensuite aller l'accuser quelque part. Ça, ce n'est pas notre rôle. L'accusateur de frères, c'est Satan. C'est le travail de Satan. Deuxième chose à ne pas suivre. Ils avaient l'endurcissement du cœur, vous voyez. Ils étaient là pour observer, est-ce que le jour de sabbat, Jésus va guérir ou pas. Et Jésus voit qu'ils étaient endurcis. L'endurcissement du cœur, c'est le fait de persister dans l'erreur. On te parle, on t'exhorte, on te dit qu'il faut laisser ça, il faut laisser tel comportement, mais ils sont endurcis. Ils se voyaient comme des gens qui connaissaient la loi. C'est le même endurcissement qu'avaient des gens de l'Ancien Testament comme Pharaon. Nous savons comment Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël, malgré qu'il voyait des dégâts. On lui dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Mais lui, il était toujours endurci. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi es-tu endurci, mon ami? Regarde, tes parents ont prié, ils t'ont élevé avec dignité. Ils t'ont dit que la jeune fille là, avec qui tu t'accroches, d'ailleurs, vous êtes déjà tombé dans l'impudicité. Tu ne vois pas qu'il y a comme un esprit de sirène des eaux chez cette jeune fille. Depuis que tu as commencé les fiançailles avec cette jeune fille là, ça se mélange au niveau de ta famille. Ce n'est pas un bon signe. Une femme que tu veux épouser, qui vient déjà te séparer, te diviser avec ton père, avec ta mère, tu ne vois pas qu'il y a une mauvaise semence. Une personne qui, lorsque tu commences à la côtoyer, tu n'arrives même plus à prier, à jeûner convenablement. Tu deviens distrait. On te parle, tu es endurci. Tu veux même fuir pour aller dans un autre pays. Mon ami, c'est l'endurcissement du cœur. Fais attention. On t'a dit d'abandonner le péché. Le pasteur t'a exhorté. Tu ne veux pas abandonner. C'est l'endurcissement du cœur. C'est un exemple à ne pas suivre. Troisième chose à ne pas suivre chez les pharisiens. Ils ont formé une coalition avec les Hérodiens pour faire périr Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui font des alliances avec d'autres personnes pour faire le mal. Ça, ce n'est pas bon. Je parle à toi, mon ami. Tu as formé une alliance. Tu trouves les gens, par exemple, qui sont en train de comploter contre un serviteur de Dieu, cherchant à lui faire du mal. Et toi, tu t'allies à eux. Parce que vous êtes en train de comploter. Comment le faire partir? Comment le nuire à sa vie? Ça, ce sont des alliances contre nature. Tu ne peux pas t'allier avec des gens qui font le mal. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un, même au niveau de ton travail. Fais attention. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre ton DG. Ils disent sur la base ethnique, sur la base tribale, sur la base même politique. Ils disent, voilà, on va monter un dossier pour les faire partir. Et toi, tu es chrétien. Tu sais que les gens, les choses sur lesquelles ils se basent, c'est du faux, ce n'est pas biblique. Et toi, tu veux former une coalition. On veut même te mettre, toi, à l'avant-plan. On dit que toi, tu vas être comme le président de notre syndicat. Mon ami, quand tu vois que quelque chose n'est pas clair en tant que chrétien, n'entre pas dedans. Ici, il est dit au verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Donc, ils veulent faire périr Jésus. C'est lui qui est venu pour chercher à sauver les perdus, les fils de Dieu. Donc, eux, ils vont former une coalition, ils vont s'allier. Les Hérodiens étaient déjà, c'était le parti du roi Hérode. C'était un parti qui avait un caractère politique. Donc, eux, ils ont cherché renfort pour faire du mal à Jésus. C'est un exemple à ne pas suivre. Deuxième grande vérité concerne la révélation sur la personne et le ministère de Jésus. Jésus est notre modèle. Nous avons ici quatre éléments sur la révélation de Jésus. D'abord, son but était de faire du bien, de sauver les hommes. Vous voyez, c'est ce qui est révélé. Dans cette question qu'il a posée, il a trouvé dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Au verset 4, il dit, puis il leur dit, est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Donc, c'était une question rhétorique qui montrait, qui voulait révéler son but. Il est venu pour faire du bien et non du mal. Contrairement à ces pharisiens qui avaient un esprit légaliste. Vous savez, il y a beaucoup de gens parfois, même dans nos églises, qui s'attendent. Coche toujours au texte, nos textes, nos statuts. Parfois, ils laissent la Bible de côté, hein? C'est nos textes, nos statuts. Et parfois, qu'ils interprètent mal. Selon que certains statuts ou bien les textes semblent leur être favorables, c'est là qu'ils brandissent là. Vous voyez, nos textes disent, nos textes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la loi. Nous ne devons pas être dans la loi, la lettre, mais nous devons être dans l'esprit. Jésus était dans l'esprit, mais les autres dans la loi. Lui, il leur dit, la loi là, est là pour faire du bien. Il voulait guérir un homme le jour du sabbat. Il est pour la question. Est-il permis de sauver ou bien de tuer? Mais pour les autres là, même si quelqu'un meurt le jour du sabbat, pourvu qu'on observe, on dit le jour du sabbat là, on ne fait rien, on ne travaille pas. Même si quelqu'un est malade, vous voyez, ça c'est la lettre. Deuxième élément sur Jésus. Il guérissait de plusieurs manières. Jésus était, si je peux dire, multisystème. Aujourd'hui, il y a des gens qui se spécialisent en guérison seulement, par exemple, par imposition des mains. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas montrer comme si c'est, il faut uniquement imposer la main pour que quelqu'un soit guéri. D'autres, ils se spécialisent en imposition des mouchoirs. Ou bien, ils prennent un mouchoir, une serviette, ou je ne sais pas, quelque chose de semblable. Non, Jésus, il y a des fois où il ne touchait pas quelqu'un. Vous voyez, et c'est le cas ici. Il a tout simplement prononcé une parole. Il dit, écoutez ce qu'il dit ici. Verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit et sa main fut guérie. Vous voyez, donc nous ne devons pas cloisonner Dieu dans un système. Laissons l'Esprit de Dieu opérer librement. Il peut guérir de plusieurs manières. Deuxième chose, troisième vérité sur Jésus, il avait besoin de moyens logistiques pour son ministère. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Lorsque, par exemple, vous voyez un homme de Dieu, une servante de Dieu, que Dieu utilise dans le ministère, vous le suivez, vous venez écouter, mais vous devez vous poser la question aussi, de quoi a-t-il besoin pour que son ministère avance? Même Jésus ici, il a remarqué que, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, les foules, il avait besoin d'une petite barque à sa disposition. C'est l'équivalent d'aujourd'hui d'une voiture, d'un véhicule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient des voitures comme un luxe. Par exemple, un ordinateur comme un luxe. Non, ce sont des instruments de travail. Vous voyez? Un serviteur de Dieu, par exemple, a besoin de se retirer parfois dans un bon hôtel pour se ressourcer, pour passer un temps de prière. Parfois, il a besoin de voyager, d'être à l'extérieur du pays pour avoir contact, participer à des séminaires, pour se ressourcer lui-même. Donc, nous devons apprendre à détecter le besoin. Il est dit ici, au verset 9, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Donc, c'était un besoin. Il y avait une foule, donc Jésus avait besoin d'une petite barque dans son ministère. Donc, donnons des moyens logistiques aux serviteurs de Dieu qui réellement le servent, qui prêchent la parole. Voyons les besoins et mettons à leur disposition donc ce dont ils ont besoin pour que le ministère avance. Il y a des ministères qui ont besoin parfois de bons micros. Ils ont besoin parfois de baffles convenables. Donc, si le Seigneur t'a béni, te donne la capacité de pouvoir cela, il faut le faire. Quatrième chose, nous voyons que Jésus avait l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Il guérissait les malades et il chassait les démons. Les démons se prosternaient devant lui. Nous aussi, lorsque Jésus-Christ prend le contrôle de nos vies, il se manifeste puissamment. Donc même les démons aussi peuvent se prosterner parce qu'ils se prosternent non pas devant nous, mais devant celui qui est en nous, Jésus de Nazareth. Lorsque nous le servons avec vérité, sa puissance est encore disponible. Elle peut se manifester encore aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions le louer, le glorifier en chantant ces cantiques. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Racheté pour Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Oh, élève ta voix. Bénis le nom de Jésus. Il est merveilleux. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Commence à proclamer ce nom devant qui tout genou fléchit. Élève ta voix. Te bénissons Jésus, toi le Tout-Puissant. Tu es celui qui délivre, celui qui sauve. Tu es celui qui est venu afin de sauver les perdus. Nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions. Merci, ô Seigneur, toi qui as la capacité de sauver spirituellement et de guérir également physiquement. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui touche tout l'homme. Tu es celui qui délivre. Tu es le sauveur parfait. Nous t'élevons en ce moment. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es pour nous. On soit béni de ce que tu veux prendre le contrôle de nos vies jour après jour afin de pouvoir opérer à travers nous. Oui, Seigneur, tu es celui qui veut opérer des grandes choses, opérer des miracles à travers nous. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui veux nous utiliser comme des instruments entre tes mains et non pas nous laisser utiliser par l'ennemi. Nous voulons maintenant refuser le rôle de l'accusateur, car nous savons que l'accusateur, c'est le diable. Et nous voulons te demander, ô Seigneur, de nous remplir du Saint-Esprit de vie, jour après jour, afin de nous convaincre du péché. Nous voulons réellement te servir dans la puissance du Saint-Esprit, et tout en nous laissant conduire par toi jour après jour. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 3, 1 à 12. Cette émission sera rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs choses, des exemples à ne pas suivre. L'exemple des pharisiens qui étaient comme des détectives privés dans le but d'accuser, qui étaient là endurcis, qui ont formé une coalition pour faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que dans nos églises, dans nos milieux même pour socio-professionnels, il y a des gens qui sont là pour faire du mal, pour comploter, qui sont endurcis du cœur. Prions pour que cet esprit soit retranché, banni du milieu de nos vies. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, c'est pour nous un privilège et une joie ce matin de te louer et de te glorifier. Un privilège et une joie parce que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos relations que nous pouvons exercer ce droit. C'est un droit que tu nous as accordé par amour pour nous, nous qui étions pécheurs. Tu nous as tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique mourir pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci et nous glorifions ton saint nom. Nous prions au Père éternel et nous déclarons que dans nos églises, dans les milieux sociaux professionnel, ta grâce et ta faveur soient toujours manifestées. Nous prions au Père éternel et nous demandons que ton nom soit toujours glorifié partout où nous nous retrouvons. C'est pourquoi nous déclarons que tout esprit de complot est banni de nos églises. Tout esprit de complot et de sabotage est anéanti en notre sein, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute projection satanique, tout complot de l'ennemi au sein de nos communautés, dans le but d'apporter la division, dans le but de provoquer la division dans les foyers, dans le but de provoquer la division entre frères et sœurs, est anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de complot soit lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom au Père éternel, parce que nous avons cette assurance que tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu protèges également nos communautés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier pour anéantir l'esprit des complots. Nous savons que, surtout vers la fin de l'année, c'est le moment où les gens qui sont dans les mysticismes, les gens complotent pour faire du mal, pour provoquer des accidents, pour tuer même, pour éliminer les autres, pour sacrifier les autres. Il y a des gens, pour avancer, ils ont besoin de sacrifier d'autres personnes. Tu vas prier le Seigneur pour annuler tous les décrets diaboliques et sataniques contre ta vie, contre ta famille même, au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te remercier ce matin. T'adorer ce matin. Parce que tu es le Saint des Saints. Le Dieu suprême, le Dieu majestueux, le Dieu redoutable, le Dieu des signes. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole, le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs. » Et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Nous sommes en fin d'année. Que ta parole s'accomplisse dans la vie de nos ennemis, dans la vie de ceux qui complotent contre nos vies, contre nos enfants, contre nos épouses, contre nos maris, contre notre ministère, contre tout ce que tu nous as donné. Que la confusion, que le feu, que les braises, que la débandade, que la clé des champs, au nom de Jésus, soit dans leur camp maintenant, qui ne s'approche pas de notre vie, de nos foyers, de notre lieu de travail, que la confusion, que l'éclair se manifeste dans leur camp, que leur vue, que leurs yeux, notre Dieu, notre Père, qu'il ait un esprit d'aveuglement et que leurs projets retournent contre leur propre vie. Nous marchons parce que nous avons foi en toi. Merci parce que nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque quelqu'un sert le Seigneur, il a besoin de moyens logistiques. Jésus avait besoin d'une barque. Tu vas prier le Seigneur, surtout vers la fin de cette année, si Dieu t'a béni. Tu vas voir un homme de Dieu, peut-être par qui le Seigneur t'a béni, et que tu peux réellement soutenir de manière pratique son ministère. Prions pour que Dieu nous donne cet esprit de libéralité, pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, tu es l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Selon Apocalypse 5, verset 12. Merci parce que tu nous as mis à part. Nous sommes tes serviteurs. Tu nous as distingués pour que nous soyons des sources de bénédiction pour l'Église, pour le monde et pour plusieurs. Mais ce que nous remarquons, beaucoup ont été bénis par nos prières, beaucoup ont été bénis par nos conseils spirituels, beaucoup ont eu des affaires, des déblocages financiers, beaucoup ont été guéris, délivrés, beaucoup ont enfanté, mais l'ingratitude a rempli le cœur de plusieurs personnes. L'ingratitude a été un frein pour eux-mêmes, leur propre bénédiction. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je prie que tu aides quelqu'un à renoncer à cette ingratitude, à renoncer à cette fausse promesse qu'elle a faite à ce serviteur de Dieu, à renoncer à ces pensées méchantes qu'elle a faites, qu'il a fait à cet homme qui a été une source de bénédiction. Et que Père, mon frère se souvienne, et que Père, ma soeur se souvienne de cet outil qu'est la radiofréquence de vie. Que cette soeur, que cet homme se souvienne de cet homme de Dieu qui a été un canal de bénédiction. Merci d'ajouter encore financièrement à tes enfants. Merci de bénir tes enfants. Merci, car ta bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous le samedi 26 décembre. Venons tous à Spécial OSB à Adjamé à partir de 9h. Mais nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal encore ce dimanche 13 décembre. Nous allons clôturer notre thème sur comment éviter les mauvais départs pour réussir votre futur mariage. Venez, ça sera à partir de 17h au CPE. Que Dieu vous bénisse et à demain. Faisons monter.